la voix, j'autres préparent leur soirée. Un chiche coke dans la poche, l'été de la caisse, ils sont barrés. D'autres sortent de l'apéro, savent même plus où ils sont carrés. Pareil que ça va être chaud, ce soir est taré. Moi je suis à terre, la motivation vient de se barrer. Ce soir info c'est nous séparer. Je suis à l'arrêt, à l'heure où d'autres allument les phares et vont démarrer. Moi je reste sur le carreau, je fous le feu sur un beat carré. Sacré, samedi soir de mort, de merde, de corps à la morgue, de merde. J'entends d'ici le chant des portes à travers l'agglomère. C'est juste un samedi soir de plus enterré. Et enfile un fut serré, un string qui dépasse, y'a intérêt. À 4 dans la mini Austin, elle part pour se faire serrer. Ou perforer, les gars, rien ne sera censuré. L'homme idéal ce soir ne porte pas la capote, mais le surin. Moi, sœur, si je m'en bats, j'ai écrit ce texte au burin. Regarde, j'en bats sous le pont, là où ça pue, la pisse c'est le burin. Ma sœur, si je m'en bats, une soirée pourrie remplie de bourrin. Tous derrière le cul de la Mystory et de son petit coutrin. Moi, dans ma pétaillère, je me pète la tête au bouchon. Il pèle comme un luchon, donc si sous qui peut se déboucher, coucher. Mon pit en fin de vie, braque comme un cochon. J'ai envie de rien ce soir, juste de pire avant le boucher. Allez, viens avec vas-y nous. Laisse tomber, poteau. J'ai envie de rien ce soir. Allez, viens bouger ce soir. Presque pas de l'écrit. On va rester là. Je suis ton cul. Vas-y, viens avec nous. On va faire quoi? Laisse tomber, j'ai envie de rien ce soir. Arrête. Allez, je vous l'ai dit, presque pas de l'écrit. Arrête tes conneries. Donc ça, ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là? C'est moi sur le papier qui peu à peu se transforme en torchon. J'taille les pauvres plutôt chauds. Et puis dis chef à la Pinochet. Smirnoff m'a torché. Les neurones préparent leur baluchon. Allez, choc de me voir tout vomir dans un poncho au champ. J'me fiche. Cette soirée de merde où tout le monde s'affiche. Où cette belle biche se transforme en pute à l'aide du bichet. Le chicage, ce tatriche. J'lèche. Les deux feuilles allument la mèche et sèche dans le fond de ma niche. Ça tâte du nichon. Ça y est, c'est l'heure, ça dit ma biche. Un pur speech. Est ouverte la pêche à la bitch. Gat, j'y pas une bitch, un brin kitchen. Tu vas sauter après l'alcool de litchi. Kitchen, pour toutes ces filles, j'ai un vichin. Bruit chain, les chin chin. Annonce la bonne night pour moi, soirée 4-chain. Mais rien de là, elle sera en boucle, c'est pas ça qui me gêne. J'tique le bloc, note ainsi que la Marie-Jeanne. J'imaginais pas ma vie plate comme Birkin Jane. J'voulais des formes et reliefs comme une pure meuf jean bikini jaune. Mais rien ne bourgeonne, les arbres tombent, les murs se patigeonnent. Par des bandes de jeunes en packaging qui manquent d'oxygène. Ils entendent brailler, passer à l'aise sur nos taquets. Et moi j'ai déraillé, je suis enlisé comme mon touquet. Même plus envie de lâcher des mails sur ton toki. J'ai envie de rien ce soir, même pas ta balade en Shiroki. Allez, viens avec vas-y, nous, laisse tomber, poteau. Allez, bouge ton cul. J'ai envie de rien ce soir. Allez, viens bouger ce soir. Arrête tes conneries, tu vas pas. Presque pas d'écrire. Allez, bouge ton cul. Tu vas faire quoi? Viens avec nous, mets-toi les conneries. Laisse tomber, j'ai envie de rien ce soir. Allez, viens, viens. Je l'ai dit, presque pas d'écrire. Dans qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là. Rester là.